dans ça les clips. Comme ça, c'est ça. Yo, yo, yo. 2004-2007. Notre première rime écrite à notre premier joint, à tous nos conjoints qui se déplacent ou qu'on joue. Ni plus ni moins, ni bien ni mal, que ce soit en soi et témoin, ça l'équipe, l'instinct animal. Pas d'armes dans l'armoire, ni coque dans la malle. Nous bloquons la dalle, sans espoir le temps est à la war. Dans les zones c'est le wild, ça se fight même en black et white. Histoire d'arnaque, réseau et de maille, voit où ça mène. Des guns sans mêle, pour des affaires de la mêle ou de ma mêle. Que des gains sans mêle, nique sa mère, on a sa goût amer. Envie de quitter cette mer. Ça sent le braquage dans la zone PACA. Beretta, ça l'équipe, voilà de quoi on est capable. Avant de finir à mort, et pas qu'on vient s'en charger. On braque sans charger avant que les cousins morts. On sait que la rue passionne et nous inspire tous. On transpire tous en donnant le maximum. On rappe ces mômes qui nous représentent. Mais je dis, hamdoulilette, encore respire tous. Toujours les mêmes et ça depuis qu'on est bambino. Seule la voix est pas comparable à une Gambino. Le barrage dans nos textes, vu la rage dans nos esprits. Seul dans nos têtes, mais pas seul quand on s'exprime. Blessé, mais blindé par le passé. À nos coins, placé, en brisé, au décès. À nos coins, ça se ressent dans nos pensées. Nos textes en sont témoins, c'est ce qui permet d'avancer. Serrant les poings, offensé, blessé, mais blindé par le passé. À nos coins, placé, en brisé, au décès. À nos coins, ça se ressent dans nos pensées. Nos textes en sont témoins, c'est ce qui permet d'avancer. Serrant les poings, décolonisez vos sons, videz nos armes, à l'encre de nos âmes. Vous présentez nos cinq et vous faire visiter nos sons. Un gros son pour éclaircir les coins sombres. Et ceux qui à tes yeux n'étaient que des silhouettes et des sombres. Je t'invite au sein de nos de vie, où la mode s'invente, tous les gros trains de vie attirent les membres de nos vies, nos codes, nos fils. Ici y'a pas de nos fils, DJ à tous les connaisseurs. On vient donner le ça et jouer les fournisseurs. Gloire aux frères et sœurs et à ceux qui le méritent. N'essaie pas d'entrer dans nos têtes, ici c'est pas l'Amérique. Entends les images dans nos textes, comprends nos terres. Beretta, ça l'équipe, unis pour le même terme. Gloire à nos coins, offensés, blessés, mais blindés par le passé. À nos coins, placés, en brisé, au décès. À nos coins, ça se ressent dans nos pensées. Nos textes en sont témoins, c'est ce qui permet d'avancer. Serrant les poings, offensés, blessés, mais blindé par le passé. À nos coins, placé, en brisé, au décès. À nos coins, ça se ressent dans nos pensées. Nos textes en sont témoins, c'est ce qui permet d'avancer. Serrant les poings, on n'est pas faire chier. On chante la révolte, c'est ce que vous cherchiez. C'est l'heure de la récolte, gloire à ceux qui savent même pas ce que c'est. On rappe la fierté, pas celle qui bombe le torse. Toi qui pompe le bois, tu vaux pas une balle, faut même pas stresser. Beretta, ça l'équipe, y'a aucun classe dressé. Faut qu'on reparte avec le coffre et que ça passe baissé. Zone critique, embrasé comme un tigrite. Ils voudraient qu'on se divise, rends-toi compte de la menace que c'est. Dans leur système, s'obéit, tu montes. Nous on est jeunes et pleins de haine, dans le quatrième pays du monde. On en a rien à battre, y'aura pas de drame si on meurt pauvre. Les poches sont vides, mais les cœurs pauvres. Parce qu'on suit pas la mode, parce qu'on rôde. Parce que l'or noir nous pousse à se tuer en tremble. Parce qu'il faut croire à Dieu et pas que quand la terre tremble. Parce que l'espoir n'est plus au goût du jour. On a même du mal à vivre ensemble. On a connu les guerres morales, livré des batailles. On est la mauvaise canaille, donc faut cœur et chorale. On mérite pas de médaille, on a le mot et le mot dans le mental. Beretta S.A.L. le mot monumental. La mort nous court son talent, trop peur de gâcher son talent. Trop long est le chemin à l'or de l'enfant d'Aran. L'avenir rien de marrant, des gueules se portent garant. Pour se dire si dans 10 ans, on sera monté de galant. Gloire à nos coins, offensés, blessés, mais blindés par le passé. À nos coins, placés, en brisé, au décès. À nos coins, ça se ressent dans nos pensées. Nos textes en sont témoins, c'est ce qui permet d'avancer. Serrant les poings, offensés, blessés, mais blindés par le passé. À nos coins, placés, en brisé, au décès. À nos coins, ça se ressent dans nos pensées. Nos textes en sont témoins, c'est ce qui permet d'avancer. Serrant les poings.